Matin, ouais, ça a midi m'a venu. Manger midi, ça souhait. Et puis, fia tout en la sortie. Tout en la sortie, côté le bras, l'eau, baronne. Qui va comprendre l'aller? Kaye ma tante. Kaye ma tante. Et puis, on va arriver pour manger, ça compte ma manger. On va compter ma manger. Qui signifie que l'eau a mangé à compter, arrivé. Faut tout pour qu'on finisse, manger à finir sur table. Brûler ça, manger à compter. Pas capable de me ça. Oh, man.